quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors, ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord incorporés au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui a plus de 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez-le à des pros. Les électriciens du Nord au 418-347-5103 où on fait la vente d'équipements neufs ou usagés. Le personnel et la direction des électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux activités de Milo en radio qui se déroulent en fin de semaine. On va parler d'une grosse activité en fin de semaine, c'est Milo en rodéo. C'est la 10e année cette année. Et question de savoir un peu qu'est-ce qu'on va faire du côté de Milo en rodéo. Ça va commencer vendredi. On parle avec la présidente Chantal Arnold. Bon après-midi, Chantal. Bonjour, Danny. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. Chantal, 10e anniversaire cette année. Ça fait déjà quand même pas mal de temps que ça a passé. Ça a grandi pas mal. Hein? Ça avait commencé petit, ça. Ça a commencé petit. Ça, d'année en année, on a toujours ajouté un petit quelque chose sans toutefois essayer de devenir trop gros non plus. On voulait pas que ce soit dans les spectacles ou dans n'importe quoi. Ça a grossi, je dirais, naturellement, sans qu'on force rien. D'année en année, ça a été plus connu encore. On a des gens de la Gaspésie qui viennent, on a des gens de Montréal. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens d'année en année. Puis ça grossit naturellement, vraiment. OK. Puis en même temps, ben, c'est votre festival un peu d'été, là. Exactement. C'est le festival de la municipalité. Je dirais que la municipalité, là-dedans, est un partenaire majeur parce que, justement, le conseil municipal et le maire, Marc Laliberté, considère que c'est le festival de la municipalité. Donc, on a un bon appui de la municipalité, là, OK. Puis le calibre, comment ça se dit, le calibre? Est-ce que le calibre est fort? Le calibre, oui. Écoute, les compétitions de Gymkhana, c'est de plus en plus populaire. Ça fait nous autres, ça fait 10 ans. C'était commencé depuis quelques années avant nous autres, le club de Barry, de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. C'est eux autres qui avaient fait la demande au départ. Puis ils faisaient les compétitions un peu partout, là, en région et à Saint-Tite. Fait que le rendu à Milo, nous autres, on a comme la demi-finale du Gymkhana. Fait qu'après ça, c'est Saint-Tite, il se positionne. On donne 8 000 $ en bourse cette fin de semaine-là aux compétiteurs qui viennent faire les compétitions de Gymkhana. Donc, si je comprends bien, les meilleurs doivent être à Saint-Louis-du-Milo. C'est là qu'on va voir à Saint-Tite en fin de après la semaine de la fête du travail. Il faut qu'il passe par Milo, là. Oui, pas indirectement. Là, je peux pas te dire exactement si c'est une obligation ou si. Okay. Mais je sais qu'on a la demi-finale, puis les compétiteurs qui viennent ici, là, c'est vraiment dans le but de se qualifier, puis après ça, c'est Saint-Tite, puis fait qu'on a des gens qui sont très, très, très sérieux dans leurs affaires, puis c'est normal. Ils font toutes les Gymkhana. Le but, c'est ça, hein, c'est de finir à Saint-Tite, puis de remporter des prix, okay, puis des sous. Est-ce que tu sais, Chantal, comment il y en a des Gymkhana comme vous là, actuellement? C'est une bonne question. Écoute, hein? Je ne sais pas. Il y en a à Falardeau, il y en a. Okay. Je sais qu'il y en a à Chambord. Ouais. Il y a du rodéo aussi à Chambord, mais il y a les compétitions de Gymkhana, okay, à travers tout ça. Je peux pas te le dire exactement, okay, par exemple. Okay. Je suis pas au courant. Il y a un volet, j'imagine, qui doit avoir. Là, ce qu'on parle depuis le début de l'entrevue, c'est plus ceux-là qui sont qui compétitionnent. Mais est-ce qu'il y a un volet quand même plus familial, là, ils vont l'essayer juste pour le fun, là? Absolument. Ah, bien, du Gymkhana, non, je pense, okay, pas. Il y a le volet jeune. Ouais. Il y a le volet jeune, là, qu'il y a les jeunes qui compétitionnent, puis c'est pas quelque chose que. Mais premièrement, il faut avoir un cheval, hein. C'est sûr. C'est pas comme un chien, là, hein. C'est pas tout le monde qui a un cheval à portée de main pour venir s'amuser comme ça. Fait que je pense que c'est. Les compétiteurs, c'est vraiment plus performant, puis plus professionnel, là, que juste familial. Mais écoute, le familial, indirectement, ça vient parce que les jeunes qui compétitionnent arrivent avec leur famille. Arrive avec le grand-parent, arrive avec le parent, les amis, bon, c'est ça devient un volet familial. C'est pour ça que nous autres, sur le site, on s'organise toujours pour avoir pour tous les goûts. Là, t'sais, on a des choses pour les enfants, on a des spectacles pour les adultes, on a le bar qui est ouvert, on a la danse, on a toutes sortes de choses. OK. Oui. Si on parlait justement du volet plus familial, tu dis qu'il va y avoir des spectacles. Quels spectacles que les gens qui vont se rendre à Saint-Jean-Milieu vont pouvoir avoir? On a le spectacle de on a un petit spectacle de Amé Paquette, de notre secteur, à toi puis moi, oui. À Delbo. Amé, elle va venir faire un petit spectacle d'entrée à l'ouverture officielle du vendredi soir. Après ça, on a le soir en soirée, à 22h, on a le spectacle de Coco Country Best. Okay. C'est un groupe des jeunes de Montréal. Il était à Falardeau, puis j'ai parlé justement avec la chanteuse, puis elle m'a dit, écoute, ça a l'air que ça a tellement bien, les gens ont tellement aimé, puis ont dit, on va retourner vous voir à Milo la semaine prochaine, fait que, tu sais, on était bien contents de savoir ça. Ensuite, le dimanche après-midi, on a Guylaine Tanguay. Ah, OK. Le dimanche après-midi. Puis au travers de tout ça, on a le DJ Max qui est là. On a toutes sortes de choses. Écoute le pamphlet, on commence avec le bingo du jeudi soir. On a André Richard, un petit gars de la place qui est un peu partout au Québec, mais qu'on a aussi ce chansonnier-là qui est au bord du lac après le bingo qui va avoir lieu dans le chapiteau. Okay. Puis on a un spectacle, des spectacles de magie le vendredi soir et le samedi après-midi. Fait que ça, c'est pour les enfants aussi. On les a pas mis tard, justement, pour que les enfants puissent assister au spectacle de magie. On a le DJ qui va faire de l'animation sur le site tout au long de la fin de semaine. Ah. Donc, c'est on a une mini-ferme. On a tout pour ceux qui veulent venir, puis rester toute la fin de semaine. On a un camping sans service qui est 20$ pour les 3 jours. Mais c'est pas cher. Non, c'est pas cher. L'entrée du passeport qui est en vente jusqu'à demain soir est à 20$ le passeport. Ensuite, ça sera ceux qui n'auront pas acheté le passeport, puis ils peuvent les réserver hein, en l'appelant là, à 418-373-2266, poste 2509. C'est moi qui vais répondre. Ils peuvent me laisser le message. On peut faire des réservations de passeport si les gens veulent. Puis sinon, si les gens veulent juste venir une journée, ça va être 15$ par jour tout au long de la fin de semaine. OK. Ouais. Donc, on rappelle évidemment, ça commence vendredi. Les gens qui vont assister du rodéo de fort calibre, puisque tu peux pas me le confirmer, mais ça ressemble pas mal à ça. Il y en a plusieurs qui vont être à Saint-Tite, donc j'imagine que ça va être très intéressant. Chantal Gros. Ça commence le samedi, ça, les compétitions de Gymkhana, le vendredi. OK. Les shows, le bingo, ça commence jeudi soir, mais le vendredi aussi, il y a toutes sortes de choses, là. Mais les compétitions de Gymkhana, ça commence à 10h les deux matins, le samedi et le dimanche. OK. Chantal, un gros, gros merci. On va se reparler très, très lundi pour avoir le bilan de tout ça. Parfait. Merci beaucoup, Dani. Chantal Arnold, la présidente de Milo en rodéo.